Du coup, c'était trop petit. Enfin, je te passe les détails. Du coup, on a dû trouver une solution. Donc, on a tout rasé chez nous. Du coup, on a fait une opération de revente. Rasé la maison ? Non, en fait, on a rasé tous les murs à l'intérieur. Ouais. Et on a fait. Après, nous, moi, j'habite dans une ville très chère. Donc, en fait, on a fait. À Vincennes, mais ouais, c'est Paris, quoi. Et du coup, on a fait 150 000 euros de plus-value. 150 000 ouais. Un truc qu'on a acheté 250, on l'a revendu 400 et 1 000. Et t'es en résidence principale, donc t'as pas payé d'impôts. Bravo, c'est le but. J'ai calculé, ça fait 11 années de SMIC. Et du coup, je me suis dit que l'immobilier, c'était cool. Donc après, j'ai continué, je fais des investissements. Là, j'ai environ 1,5 million de patrimoine. Okay. Alors, j'ai une stratégie différente de Stéphane, mais je veux le rejoindre maintenant sur sa stratégie. C'est que moi, j'ai commencé par du patrimonial. Donc, je prends du cash flow, mais je prends du patrimoine. Mmh. Parce que mon but, c'était de créer une base solide pour mettre ma famille à l'abri de tout problème. Donc maintenant que j'ai 1,5 million, on est à peu près à l'abri. Et du coup, on va commencer à aller faire de la rentabilité. Tu vois. Donc là, j'ai investi. Et 1,5 million, tu as pu continuer à emprunter après par la suite. Ouais. Enfin, tu peux toujours. Je peux toujours emprunter. Okay. Mais en fait, c'est une question de scoring. Quel est ton score à la banque? En fait, tu peux ne jamais t'arrêter. Tu peux. L'objectif. Seulement, c'est le temps qui te rattrape en fait. C'est plus le temps. Comme Stéphane, par exemple, qui enchaîne tellement que, au bout d'un moment, ça se cumule. Alors après, il y a le temps, il y a le risque aussi. Ouais, j'en ai parlé avec Stéphane aujourd'hui. Et il y a aussi le fait que sur une tête dans une banque, il vous faudra changer de banque. Obligatoirement à un moment. Et l'autre, moi, c'est parce que tu as trop de dettes. Parce qu'à un moment, dans les banques, je vais en parler, mais en fait, tu peux être le meilleur profil, mais à un moment. La banque ne va plus forcément le suivre juste parce qu'il y a une consigne globale, générale, qui fait qu'on ne suit pas les mecs à plus de 1 million, par exemple. C'est une bêtise. Par exemple, les banques, c'est à peu près toutes pareilles. Elles sont toutes à peu près sur le même. Je connais pas toutes les banques. Je connais les mécanismes. Après, ouais. Je connais les banques où je travaille, mais peu importe la limite, parce que ça, je n'ai pas forcément à le dire. Mais le mécanisme est important, c'est que tu vas avoir un encours qui fait que tu vas devoir aller voir une autre copine. Mais par contre, quand tu vas voir une autre copine, justement, c'est pas le problème, l'encours que tu as déjà ? Bah oui. Parce que est-ce que ce qui va se passer, c'est pas leur risque à eux, donc c'est pas grave. C'est-à-dire que c'est pas que la banque voudrait pas te suivre, c'est qu'elle a des consignes générales, on va voir ça tout à l'heure, qui font qu'elle peut plus te suivre. Elle veut bien te suivre, elle sait que tu es rentable, mais ouais. Elle a plus le droit de te suivre. Ouais, je vais vous donner un risque, je vais vous donner un exemple tout à l'heure, un cas pratique. Moi, j'adore les cas pratiques. Je vous ai fait un petit cas pratique sur un truc décorrélé de l'immobilier, mais pour vous montrer qu'en fait, la banque, à un moment, il y a des risques qu'elle ne peut pas prendre et qui lui sont dictés par autre chose que ce qu'on appelle le front office. Tu vois, sur YouTube, tu n'entends que des gens qui disent délégation en agence, ils ont le droit de. Et en fait, quand tu connais la structure de la banque, c'est pas vrai. Il y a un truc qui est Dieu le Père qui est au-dessus de ça. À part dans quelques banques régionales ou mutualistes où c'est un peu différent. Mais en Alsace, choses comme ça. Ou les banques mutualistes, enfin des trucs. Ouais. Mais d'une manière générale, il y a des fonctions qui sont comme Dieu le Père. Et qu'ils écrivent la Bible, et cette Bible-là, tu ne peux pas en déroger. Et donc, si tu rentres dans ces cases-là, après, c'est plus facile pour emprunter. C'est ça, c'est-à-dire qu'il vaut mieux être en CDI que pas en CDI. Ah ouais. J'ai fait un séminaire samedi, j'ai expliqué, il y a quelqu'un qui avait voulu que je l'aide. Il venait de prendre un crédit à la Cosson, il s'était mis au chômage pour commencer à investir et être focus sur l'investissement parce qu'il était motivé. Je lui dis, mec, tu t'es c'est à l'envers, là. Il faut repousser la satisfaction immédiate et il faut peut-être mettre les choses dans le bon ordre. Ouais. Donc à un moment, le CDI, s'il te fait une boule au ventre, c'est pas grave. Tu gardes ta boule, tu essayes de relativiser ou changer de boulot, mais en tout cas, tu gardes ton CDI et t'investis dans le bon sens, quoi. Vous avez l'exemple de Stéphane, vous voyez. Ou alors, j'ai pas bien entendu la réponse, mais quand effectivement, tu arrives à ces 1 million d'euros. 1 million, je dis 1 million, mais retenez mais voilà, pas 1 million. 500 000, 1 million, 1 million 5. Ça dépend de toi. Et quand effectivement la banque te dit stop parce que les consignes nationales ou régionales, peu importe, ne veulent plus, toi tu vas voir une autre banque, qu'est-ce qu'elle dit quand tu expliques que tu as déjà 1 million d'euros de patrimoine? Parce que je suppose que la banque te dit, bah oui, mais pourquoi vous n'avez pas continué à emprunter? En fait, tu es encore rentable, c'est juste que potentiellement, c'est juste que tu ne peux plus emprunter avec la banque. Oui, oui, mais du coup, l'autre banque, qu'est-ce qu'elle dit? Bah, c'est pas grave, les 1 million d'euros d'accord. Non, parce que les 1 million, en fait, pour autant, tu es quand même rentable, même avec les 1 million. Mais c'est juste qu'elle peut, elle peut plus sur le profil. Ouais. Donc tu passes encore. Tu vois, Stéphane, il passe encore. Donc quand tu vas dans une autre banque, elle regarde juste la rentabilité, elle ne regarde pas ton emprunt que tu as dans. Si, elle regarde aussi tes emprunts. Mais tes emprunts et ta rentabilité, ça va calculer ton taux d'endettement réel. Et par rapport au taux d'endettement réel, eux, ils vont, c'est comme la banque d'avant, ils vont dire qu'ils peuvent t'emprunter. La banque d'avant, elle va dire qu'ils ne peuvent plus t'emprunter parce que plus d'un million, on ne prête pas sur une tête. Et l'autre, elle va dire, non, moi, tu es à zéro chez moi, donc je peux t'emprunter. D'accord, c'est la question qu'on se pose. Après, voilà, il y a d'autres subtilités possibles. Mais tu nous l'expliqueras. Non, j'explique pas forcément parce que ça j'explique aux membres que j'accompagne parce que il y a un truc qui est très important pour moi, c'est l'appétence au risque et ton taux d'anxiété. Tu vois, parce que le but c'est de dormir sur ses deux oreilles. Donc moi je donne pas. Tu penses bien que on peut tout faire.